Nous pouvons affirmer sur la base des données radar, qui sont empiriques et non pas anecdotiques, que ces objets ont été suivis à la trace depuis le début des années 1950, voire plus tôt. On les a vus se déplacer à 11 000 km/h et virer à angle droit à des vitesses énormes, s'élever instantanément dans les airs, revenir en arrière. Quelle est votre opinion sur ces nouvelles apparitions d'objets non identifiés ? Avec tout le respect que je dois à l'Air Force, je suis convaincu que certains d'entre eux s'avéreront d'origine interplanétaire. Nos différences disparaîtraient au niveau mondial si nous devions faire face à une menace extraterrestre venue de l'extérieur. What I can see of the object itself doesn't look very much like a meteor. At least not the meteors I've seen. It looks more like a huge cylinder. Metal casing is definitely extraterrestrial. Just a minute. Something's happening. Ladies and gentlemen, this is terrific. Top is beginning to rotate like a screw and this thing must be hollow. He's moving! Keep those men back! They're turning into flames. I hear steel coming by the woods of fires. Ladies and gentlemen, I've just been handed a message that came in from Grover's Mill by telephone. Just one moment, please. At least 40 people, including 6 state troopers, lie dead in a field east of the village of Grover's Mill. Their bodies burned and distorted beyond all possible recognition. The creature. La créature. Un martien revient se glisser sans effort dans sa machine et réapparaît au contrôle d'un immense véhicule reposant sur 3 pieds et disposant d'un rayon de la mort qui élimine d'un coup près de 7000 soldats armés. Le ministre de l'Intérieur s'adresse ensuite à la nation. Citizens of the nation, we must confront this destructive adversary with a nation united, courageous, and consecrated to the preservation of human supremacy on this earth. Le gouvernement était impuissant, ou tout du moins, c'était ce que des millions d'Américains croyaient. Mais il s'agissait d'un canular, d'une émission de radio du célèbre Orson Welles, acteur mondialement connu, tiré du livre La guerre des mondes de l'écrivain de science-fiction Herbert George Wells. Sur le moment, ça a provoqué une hystérie massive dans le pays. Au moment où vous étiez en train de jouer cette pièce, étiez-vous au courant que la nation était balayée par la terreur ? Bien sûr que non. Je suis terriblement choqué par l'effet que ça a eu. Je ne crois pas que ce style ait commencé avec moi, ni qu'il soit spécifique à cet enregistrement du théâtre Mercury. J'aime autant une bonne histoire de science-fiction que n'importe qui. J'ai même joué le père de Superman, un extraterrestre dans la série télévisée Smallville. Pendant des générations, les gens ont vu des objets dans le ciel qui défient la raison. Le phénomène OVNI, avec ses allégations spectaculaires, reste un des mystères les plus persistants de notre époque. Dans ce documentaire, nous allons voir comment ce phénomène s'est développé à travers les âges et, je l'espère, voir ce qu'il y a derrière. Nous avons interviewé des scientifiques, des chercheurs, et même des individus qui affirment avoir eu des expériences avec d'étranges entités. Je pense que vous allez vous rendre compte que la vérité est plus surprenante que la plupart des gens ne le réalisent. Gary Bates a fait des recherches sur le phénomène des ovnis pendant de nombreuses années. Il a eu des centaines de discussions sur le sujet avec divers groupes, y compris à la radio et à la télévision dans le monde entier. Il a enquêté sur les événements qui ont accompagné la panique de la guerre des mondes dans son livre « Intrusion extraterrestre, le lien entre les ovnis et la théorie de l'évolution » qui est devenu un best-seller sur Amazon. Alors, pour les gens qui écoutaient cette émission radiophonique, ce fut comme si leur incrédulité était mise en pause. Même à l'époque, en 1938, il semble que très peu de gens doutaient de ce qu'ils entendaient. Et beaucoup de gens aujourd'hui ne réalisent probablement pas que l'idée de la vie dans notre monde était déjà populaire. En 1905, l'astronome amateur Percival Lowell a conclu à tort que l'eau des calottes polaires de Mars s'écoulait dans des canaux construits par des êtres intelligents. Et il n'a pas fallu longtemps pour que tout le monde accepte l'idée d'une vie sur Mars. Par exemple, il y a eu en 1928 un symposium public qui s'intitulait « D'éminents astronomes donnent des raisons de croire que la vie existe sur la grande planète rouge ». Et pourtant, tout cela se basait sur une hypothèse infondée et follement spéculative, avec zéro donnée pour l'étayer. D'ailleurs, longtemps avant la radio, Jules Verne était déjà devenu une sorte de toute première superstar médiatique mondiale. Et il fut l'un des premiers à tenter d'introduire l'exactitude scientifique dans ses fictions. Et cela, c'est un point important parce que c'est ce qui attire les gens vers la science-fiction. C'est la capacité à mélanger fiction et science pour enflammer l'imagination et vous amener à réfléchir, vous voyez, sur ce qui pourrait être possible dans le futur. De célèbres auteurs de science-fiction comme Herbert George Wells, Jules Verne, Isaac Asimov, Frank Herbert, Arthur C. Clarke et bien d'autres encore ont eu un impact bien plus important sur la culture populaire que la plupart des gens ne le réalisent. Beaucoup d'entre eux ont prédit certaines merveilles technologiques que nous tenons pour acquises aujourd'hui. Jules Verne a proposé l'idée du voyage de la Terre à la Lune dans un de ses romans. Dans La Guerre des Mondes, Wells a prédit les lasers. Arthur C. Clarke, dont le livre La Sentinelle a inspiré le film 2001 L'Odyssée de l'espace, a prédit que les satellites graviteraient autour du globe pour relayer les communications électroniques dans le monde entier. J'aime la science-fiction. J'ai vu tous les épisodes de Star Trek et de Star Wars. Certains des concepts peuvent nous faire réfléchir sur ce qui sera possible dans le futur. Mais s'il y a bien un problème avec la science-fiction, c'est qu'elle estompe la frontière entre ce qui est de la fiction et les faits scientifiques. Et la majorité des œuvres de science-fiction d'aujourd'hui font appel à l'idée que notre univers est peuplé d'un grand nombre d'extraterrestres éminemment évolués et en avance sur nous. Et ce qui est sous-jacent à cette idée, c'est l'acceptation de la théorie du Big Bang, de l'évolution cosmique, comme d'un fait scientifique. Alors allons un cran plus loin. Si la vie évoluait sur Terre, on part du principe qu'elle a dû évoluer de nombreuses fois, peut-être même des millions de fois, dans un univers âgé de plusieurs milliards d'années. Du coup, si une race extraterrestre quelconque était âgée d'un million d'années de plus que nous sur l'échelle de l'évolution, elle aurait un million d'années d'avance technologique sur nous. Et cela pousse les gens à croire que ces extraterrestres supposément avancés construiraient des moteurs à hyperpropulsion ou à distorsion spatio-temporelle et seraient capables de visiter la Terre, alors que ce n'est pas possible selon ce que nous savons de la physique aujourd'hui. Le voyage supraluminique est encore un autre concept de la science-fiction fondé sur un concept fictionnel à la base, à savoir le Big Bang. Et le gros problème pour ceux qui croient en la vie extraterrestre est que même s'il existait quelque part, comment pourrions-nous seulement les observer et comment pourrait-il arriver jusqu'ici pour qu'on les voit. Je veux dire que l'univers est un endroit tellement immense, les distances sont astronomiques, au sens littéral. La grande fresque de l'histoire de la vie selon la théorie de l'évolution, non seulement sur notre Terre, mais comme on le suppose partout dans l'univers, nous raconte à peu près ceci. Au commencement, il n'y avait rien. Et rien, c'est rien. C'est-à-dire pas de vide spatial, pas de planète, pas de matière. Et pas un vide quantique. Même le temps lui-même n'existait pas. Selon l'opinion actuellement la plus en vogue sur l'origine du temps et de l'espace, en d'autres mots de l'univers, quelque chose qui s'appelle une singularité est apparu sans cause ni raison. Les lois de la physique sont brisées. Les adeptes du Big Bang ont leur propre théorie surnaturelle des origines. Alors cette entité microscopique de densité infinie contenait toute la matière, l'espace et l'énergie de ce qui devait devenir notre univers. D'une manière ou d'une autre, ça a explosé dans ce que le célèbre astronome Sir Fred Hoyle appelait par dérision le gros boom, en anglais le Big Bang. La physique quantique, c'est précisément le domaine que j'ai étudié pour mon doctorat. C'est de la vraie science. Mais la croyance en un grand boom à l'origine de l'univers n'est pas de la science démontrable. En fait, ça viole une loi scientifique connue sous le nom de principe de causalité. On peut voir ce principe comme ceci. Premièrement, tout ce qui a un début a une cause. Deuxièmement, l'univers a un début. Troisièmement, donc l'univers ou le Big Bang doit avoir une cause. Donc, à un certain moment du passé, pour qu'il y ait eu un commencement, il a dû être provoqué. Toutefois, la théorie du Big Bang affirme sans preuve que l'univers a commencé à exister sans cause. C'est au-delà des lois de la vraie physique, et c'est contraire à la loi de causalité. Et c'est ça le point important. La croyance au Big Bang est au centre même de l'idée d'une vie extraterrestre peuplant l'univers. Pas de Big Bang, pas de vie extraterrestre. L'idée que les ovnis sont des vaisseaux pilotés par des extraterrestres plus anciens et plus avancés que nous est connue sous le nom d'hypothèse extraterrestre. Et ces croyances n'ont rien d'insignifiant. L'ufologie est en passe de devenir la religion scientifique la plus répandue. Elle a conduit à la prolifération de quelques grandes sectes fondées sur ces croyances, comme la scientologie. En 1997, un sondage de CNN et Time Magazine a révélé entre autres choses que 80% des gens croient que le gouvernement cache l'existence de formes de vie extraterrestres. 64% des gens croient que les extraterrestres ont contacté des humains. 50% des gens croient que des extraterrestres ont enlevé des humains. Et 75% des gens croient qu'un ovni s'est écrasé près de Roswell au Nouveau-Mexique. Les croyances aux ovnis et à la vie extraterrestre sont devenues des croyances populaires. Ces concepts religieux ont formé les bases de la plus grande partie de la science-fiction moderne. Regardez la série Star Wars avec ses concepts du bien contre le mal, ses thèmes messianiques et de rédemption. Elle coïncide comme par hasard avec le récit biblique de plusieurs façons. Vous savez, un des premiers films d'inspiration a été Le jour où la Terre s'arrêta, un classique de 1951. Les personnages principaux étaient des parodies de personnages bibliques. C'est un peu difficile pour la génération d'aujourd'hui de comprendre l'état d'esprit mondial juste après la Deuxième Guerre. Mais les grandes puissances, pendant la guerre froide, menaient une politique de la corde raide, vous voyez, chacune essayant de prendre l'avantage sur l'autre, avec la menace d'une guerre nucléaire rôdant à l'horizon. Un extraterrestre humanoïde nommé Klaatu est envoyé sur Terre en tant que représentant d'un conseil intergalactique pour prévenir les habitants de la Terre que nous risquons d'empiéter sur toutes les autres civilisations extraterrestres pacifiques avec les armes nucléaires que nous venons de découvrir. Il place un robot, Gort, une sorte de super policier d'avant-garde, qui doit gouverner les êtres humains au cas où ils deviendraient une menace pour d'autres races en dehors de leur propre planète. Ce que nous voyons, c'est que la menace extraterrestre faisait appel à l'idée que nous allions être gouvernés par une race plus évoluée et plus avancée. Et ça a vraiment joué à l'époque dans l'hystérie de la guerre froide. The threat of aggression by any group, anywhere, can no longer be tolerated. There must be security for all, or no one is secure. Your choice is simple. Join us and live in peace. Or pursue your present course and face obliteration. We shall be waiting for your answer. The decision rests with you. The alien Klaatu went to live among humans. L'extraterrestre Klaatu est allé vivre parmi les humains pour mieux les comprendre et il a pris le nom de Carpenter ou Charpentier. Jésus était un charpentier. Mais il a été tué par cette espèce agressive et moins évoluée qui ne comprenait pas vraiment sa mission pacifique. Et lorsque Klaatu a été ramené à son vaisseau, son corps sans vie a été ressuscité par le robot Gort grâce au pouvoir de l'Esprit Tout-Puissant. Hello. I thought you were... I was. He has the power of life and death? No. That power is reserved to the Almighty Spirit. En fait, le scénariste Edmund Norse s'est exprimé sur ces similitudes. C'était ma petite plaisanterie à moi. Je n'ai jamais abordé ce sujet. J'espérais que la comparaison avec le Christ serait subliminale. La croyance aux extraterrestres a influencé virtuellement tous les aspects de notre société. Même des présidents discutent ouvertement de ce genre de choses dans des émissions de télévision. Pensez à la manière dont toutes les différences entre les peuples de la Terre sembleraient petites si nous nous sentions menacés par un envahisseur de l'espace. C'est l'idée derrière Independence Day. Tout le monde se rassemble et devient sympa, voyez le genre. Vous et Bill O'Reilly, vous vous cacheriez ensemble dans un bunker. Oui! Nous sommes tellement obsédés par nos oppositions actuelles que nous oublions souvent tout ce qui unit l'ensemble des membres de l'humanité. Peut-être que nous avons besoin d'une quelconque menace universelle extérieure pour nous faire prendre conscience de ce lien. Il m'arrive de penser à la vitesse à laquelle nos différences disparaîtraient au niveau mondial si nous devions faire face à une menace extraterrestre venue de l'extérieur. Je n'avais jamais rien vu de pareil. C'était gros, ça changeait de couleur et ça avait à peu près la taille de la Lune. Nous avons regardé pendant 10 minutes, mais aucun de nous ne pouvait deviner ce que c'était. Une chose est sûre, je ne me moquerai plus jamais des gens qui disent avoir vu des objets volants non identifiés dans le ciel. Si je deviens président, je mettrai chaque bout d'information que ce pays détient sur les observations d'OVNI à la disposition du public et des scientifiques. Je suis convaincu que les OVNI existent parce que j'en ai vu un. Comme ces croyances sont dominantes, quand la plupart des gens voient dans le ciel un objet qu'ils ne reconnaissent pas, c'est-à-dire un ovni, ils partent automatiquement du principe que c'est un vaisseau spatial venu d'une autre planète, et ils téléphonent en disant avoir vu un ovni. Y a-t-il eu un changement dans la communauté scientifique ou parmi les observateurs les plus sérieux concernant leur compréhension de ce qui se passait ? Absolument. Je pense en particulier de nouveau aux années 1950-60, alors qu'à cette époque, notre compréhension de l'univers grandissait, il sembla y avoir une explosion des observations d'OVNI. En fait, 1947 fut l'année d'un événement très très déterminant. Un certain Kenneth Arnold survolait le mont Rainier à Washington dans son petit avion, et il a déclaré avoir vu 9 objets en forme de disque suivre son avion. Il a dit qu'il ressemblait à des soucoupes qui ricochaient sur l'eau. Et c'est précisément l'origine du terme soucoupe volante, c'est de là que ça vient. En fait, avant 1947, ces histoires de soucoupes volantes étaient loin d'être aussi... Non, pas les soucoupes volantes, mais les ovnis étaient déjà courants. Il y a eu une vague d'apparitions d'avions dans les années 1896-98, et ce qui en ressort, c'est que les ovnis semblaient correspondre à la culture du moment. Les ovnis de la fin du 19e siècle avaient l'apparence d'avions. Les Grecs et les Romains de l'Antiquité avaient des histoires de boucliers volants avec des occupants en bord. Les Amérindiens ont des légendes de canoës volants avec des gens à bord. Et alors que nous nous approchions de l'âge des fusées, pour le dire comme ça, nous avons commencé à avoir des sortes de formes argentées et brillantes. Le plus grand groupe d'enquête sur les observations d'OVNI est le MUFON, un réseau mutualiste d'études des OVNI. Le MUFON est une organisation de recherche scientifique dont les objectifs sont d'enquêter sur les observations d'OVNI, de conduire et promouvoir la recherche sur ce sujet et de sensibiliser le public sur leurs découvertes. Joe Jordan a 20 ans d'expérience en tant qu'enquêteur de terrain et il en est actuellement le directeur national pour la Corée du Sud. Il fait aussi partie de la Star Team, une équipe internationale de réaction rapide du MUFON, composée d'enquêteurs sur les ovnis. Les recherches de Joe sur les ovnis et les enlèvements par des extraterrestres ont été partagées dans plus de 20 publications par d'autres chercheurs en ufologie. Vous savez, en 1991 déjà, un sondage Roper, réalisé à l'instigation des ufologues, a déclaré qu'en fait, 20 millions d'Américains ont vu un OVNI. Et que jusqu'à 4 millions d'entre eux ont été enlevés par des extraterrestres. Je ne suis pas forcément entièrement d'accord avec ces chiffres, mais j'ai interviewé des centaines de personnes et elles ont vu des choses qu'elles ne s'expliquent pas. Quand Spielberg a produit son film Rencontre du troisième type, en fait, il s'est assuré le concours d'ufologue ou d'ovnilogue, si vous voulez, pour le conseiller sur la façon dont tout cela se passe. Oui, eh bien, le personnage principal du film était un Français. Je crois que son nom était Lacombe, mais il était basé sur un vrai ufologue du nom de Jacques Vallée et d'un autre vivant au même moment, un certain docteur G. Allen Hynek. Ce sont tous les deux des physiciens, et ces deux messieurs ont collaboré, et le film tournait en fait autour du genre de recherche et de choses mystérieuses qu'ils avaient découvertes. En fait, ce qui est encore plus intéressant, c'est que Hynek était un chercheur engagé par le gouvernement dans un projet appelé Blue Book. Le gouvernement américain a enquêté sur les ovnis pendant plus de 40 ans dans différents projets et il a trouvé que la majorité des allégations pouvaient s'expliquer naturellement ou par un quelconque phénomène d'origine humaine. Mais il a dit qu'il existait un élément mystérieux qui défiait toute explication naturaliste. On a vu ces vaisseaux changer de forme et défier les lois de la physique. Vous savez, des pilotes de chasse américains, ils sont allés, ils ont vu ces boules de lumière, ils ont tiré dessus, et elles ont disparu devant leurs yeux. Elles ont disparu des écrans radars. Alors, comme l'a dit un physicien, eh bien, il y a là un mystère que je dois résoudre. Plus tard, Hynek fut frustré des tentatives du gouvernement de rendre toutes les observations explicables à partir de phénomènes naturels, alors que ce n'était tout bonnement pas le cas. En m'associant avec le projet Blue Book, je savais qu'ils n'avertiraient jamais, jamais les médias quand un cas intéressant se présenterait. Ils faisaient leur possible pour l'étouffer. Ils retenaient donc bel et bien des informations. Il y a trois choses à propos de toute cette histoire que personne ne peut nier. Ce sont des points irréfutables, même le pire des sceptiques ne peut les nier. Tout d'abord, les rapports d'OVNI non seulement existent, mais ça continue. Quand j'ai commencé avec l'Air Force, je pensais que c'était une tocade et que dans quelques années, ça aurait disparu, purement et simplement. Ensuite, c'est un phénomène mondial. Nous avons maintenant des rapports de 140 pays, pratiquement autant de pays qu'il y en a dans les Nations Unies. Et la plus importante de ces trois choses, c'est que beaucoup, malheureusement pas tous, mais beaucoup de ces rapports viennent de gens éminemment, mais alors, éminemment entraîné techniquement et crédible. Le contemporain de Hynek était l'astronome et informaticien Dr. Jacques Vallée. Ils sont devenus amis et collaborateurs et ont même fait une apparition devant les Nations Unies pour exposer leurs découvertes sur les ovnis. Quand j'ai rencontré Steven Spielberg, il était à la moitié du tournage des rencontres du troisième type. Et nous avons une longue discussion sur ce que les ovnis pouvaient être. Et bien sûr, pour lui, le but principal du film était le spectacle, où il était approprié que les ovnis soient des visiteurs extraterrestres. Je crois, en ce qui me concerne, que je serais très déçu si les ovnis s'avéraient n'être rien plus que des visiteurs d'une autre planète, parce que je pense qu'ils pourraient être quelque chose de beaucoup plus intéressant. Je suppose que la réaction naturelle de chacun est de déconstruire ou de ridiculiser ce qu'il ne comprend pas ou d'invoquer une quelconque explication d'ordre pathologique. Mais vous savez, quand je pense à des scientifiques comme Hynek et Vallée, par exemple, il leur aurait été beaucoup plus facile d'écarter tout ça d'un revers de la main en les qualifiant de trucs loufoques, de canulars ou de délires psychologiques, parce qu'alors ils n'auraient pas risqué de se faire moquer d'eux par leurs collègues. Mais vous savez, ils étaient honnêtes et ils savaient que ça méritait mieux. Et je suppose aussi que mon approche m'a appris à faire preuve d'une certaine empathie, à prêter l'oreille à ces récits d'enlèvements extraterrestres, parce que vraiment, ce sont des victimes. Et du coup, ça leur a fait changer complètement leur vision du monde. En résumé, c'est devenu une expérience qui a changé leur vie. Au fil des années, il y a eu de nombreuses conférences d'information qui se sont tenues au National Press Club de Washington. À chaque fois, un grand nombre d'anciens de l'US Air Force et d'autres officiers militaires, parfois 80 ou plus, ont apporté le témoignage personnel de leurs propres observations d'OVNI. En fait, des objets aériens inconnus ont été observés au-dessus de plusieurs de nos réserves d'armes nucléaires et d'autres installations nucléaires. Et dans certains cas, l'apparition de ces objets compromettait les capacités opérationnelles de nos armes nucléaires. Il y avait au nord trois ou quatre objets de couleur brillante, passant d'une forme elliptique à une forme ronde et qui se déplaçaient à très grande vitesse en faisant des virages très serrés, comme s'ils quadrillaient une zone. Nous pouvons affirmer, sur la base des données radar, qui sont empiriques et non pas anecdotiques, que ces objets ont été suivis à la trace depuis le début des années 1950, voire plus tôt. On les a vus se déplacer à 11 000 km/h et virer à angle droit à des vitesses énormes, s'élever instantanément dans les airs, revenir en arrière. Si nous, ou les Russes, ou n'importe quel pays sur Terre, avions ce genre de vaisseau au début des années 1950, alors pourquoi avons-nous passé les dernières décennies à développer des avions à aile fixe très inférieurs en capacité? C'est clairement, à mon avis, une technologie venue d'ailleurs, pilotée par des êtres venant bien évidemment d'un autre monde ou d'une autre dimension. Donc, Hynek et Vallée et beaucoup d'autres qui ont enquêté sur le phénomène des ovnis ne croient pas nécessairement que ce sont des vaisseaux extraterrestres. En fait, ils en sont venus à la conclusion que c'est quelque chose de beaucoup plus étrange et venant très probablement d'une autre dimension. Les preuves que des gens de tous âges et de tous horizons ont vu des objets volants non identifiés sont écrasantes. La plupart d'entre eux croient que ce sont des vaisseaux venus d'une autre planète ou d'un autre système solaire. Mais est-ce seulement faisable pour des extraterrestres de traverser des milliards et des milliards de kilomètres dans des véhicules supraluminiques ? Le docteur Henry L. Richter est un ancien scientifique spécialiste des fusées du Jet Propulsion Laboratory à la NASA. Il a été un des pionniers qui ont contribué aux premiers succès spatiaux des États-Unis comme Explorer 1, le premier satellite qu'ils ont lancé, et les programmes Ranger, Mariner et Surveyor. J'ai été impliqué dans le développement des véhicules spatiaux d'exploration pendant plus de 60 ans. Vous savez, il y a de gros problèmes avec l'idée que des extraterrestres avancés puissent simplement se téléporter à travers la galaxie, sauter dans l'hyperespace ou utiliser des trous de verre, etc. L'étoile la plus proche de notre Soleil est Proxima du Centaure, qui se trouve à environ 4,4 années-lumière de la Terre. Cela fait environ 45 000 milliards de kilomètres de distance. Pour avoir un élément de comparaison, notre propre Soleil est à 150 millions de kilomètres de la Terre. Alors même si vous pouviez voyager à la vitesse de la lumière pour atteindre la galaxie la plus proche, la galaxie d'Andromède, ça vous prendrait 2,5 millions d'années. C'est plus de 500 000 fois plus loin que Proxima du Centaure. Les distances astronomiques sont une vraie tyrannie si on veut explorer d'autres mondes ou d'autres systèmes planétaires. Selon la théorie d'Einstein, la vitesse maximum possible n'est jamais que la vitesse de la lumière. C'est parce qu'à mesure que notre vitesse s'accroît, notre masse fait de même, jusqu'à ce qu'à la vitesse de la lumière, notre masse devienne infinie. Bien qu'on ne pèse rien dans l'espace, ce sont ces mêmes lois de la physique qui s'appliquent, aussi bien sur la Terre que dans l'espace lointain. Imaginez un tout petit vaisseau spatial d'à peine une tonne. Quelle quantité d'énergie ça lui prendrait rien que pour atteindre un tiers de la vitesse de la lumière, c'est-à-dire 100 000 km à la seconde. Un simple calcul montre que cela demanderait une quantité d'énergie énorme, mais énorme à quel point? Le double de l'énergie totale produite par toutes les explosions nucléaires de l'histoire, aussi bien expérimentales qu'en période de guerre. Et lorsqu'on arrive à destination, il faut la même quantité d'énergie pour le freiner. Et puis quand vous voulez revenir, il faut réaccélérer et re-ralentir. Chaque aller-retour requiert donc 4 fois cette énorme quantité d'énergie. Et il s'agit juste d'un petit vaisseau, et pas de l'USS Enterprise de Star Trek, ou de l'énorme vaisseau-mère d'Independence Day. Le vaisseau spatial Surveyor, sur lequel j'ai travaillé avec mon équipe, a effectivement alluni, ce qui a ouvert la voie aux missions Apollo qui devaient suivre. Et pourtant, à la meilleure vitesse de ces énormes modules Apollo, qui ont pris 3 jours pour atteindre la Lune, ça prendrait 870 000 ans pour atteindre Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche de notre propre Soleil. L'espace est un endroit incroyablement hostile. On estime qu'il y a 100 000 grains de poussière par kilomètre cube d'espace. Par exemple, quand le vaisseau spatial Challenger a heurté une petite goutte de peinture en 1983, l'énergie de l'impact était telle qu'elle a produit un cratère dans la vitre avant. Ces fenêtres étaient conçues pour être extrêmement robustes. Le télescope spatial Hubble a déjà plusieurs trous dans sa structure, après à peine 12 ans passés à graviter autour de la Terre, avec une vitesse de seulement 1/10 millième de la vitesse nécessaire à un voyage galactique. Notez bien que l'énergie est proportionnelle au carré de la vitesse. Alors notre vaisseau hypothétique qui voyagerait à un tiers de la vitesse de la lumière pour un impact comparable à ceux que Hubble a reçus, en subirait un dommage 100 millions de fois plus important. Alors même un grain aussi léger qu'un flocon de neige serait comme une tête d'épingle qui produit une explosion de 4 tonnes de TNT. Un objet de la masse d'un grain de raisin créerait un impact ayant une énergie équivalente à 80 fois la bombe d'Hiroshima. Aujourd'hui, la science-fiction, comme Star Trek, a inventé des concepts comme les champs de force, les réseaux de déflecteurs et les boucliers pour résoudre ces problèmes. C'est vrai que certains objets électriquement chargés peuvent être déviés en utilisant des champs électromagnétiques, mais là, nous parlons d'encaisser des impacts de l'énergie de plusieurs bombes atomiques. Cela reste purement du domaine de la science-fiction, parce qu'il faudrait alors produire une force opposée de la même puissance pour dévier de tels objets. Le problème de la distance à parcourir est l'unique gros problème, aussi bien pour les écrivains de science-fiction que pour les adeptes de l'hypothèse extraterrestre. C'est l'idée que les extraterrestres avancés pourraient traverser l'espace au cours de la durée de leur vie. Bon, les gens pourraient dire, vous ne pouvez pas dire que c'est impossible, on ne sait quelle technologie sera inventée dans le futur. Non, c'est vrai. Mais les exigences dont on parle pour un voyage galactique supralumique exigent une violation des lois de la physique qui gouvernent notre univers. Par exemple, il est impossible de construire des vaisseaux antigravité. Il est tout bonnement impossible d'éteindre la gravité. On peut seulement construire des vaisseaux toujours plus puissants pour échapper à la gravité. Mais une fois que vous faites ça, vous créez tout un tas d'autres problèmes. Mais il y a un autre problème avec l'hypothèse extraterrestre qui voudrait que les extraterrestres nous visitent depuis une très très lointaine galaxie. Et c'est la question, est-ce que la vie a évolué sur Terre par hasard? Et si oui, est-ce que cette évolution s'est aussi produite des millions de fois ailleurs dans notre univers? L'idée qu'une quelconque vie simple se soit formée au départ dans un quelconque marais primordial sur Terre il y a 3 milliards d'années est connue sous le nom d'évolution chimique ou abiogenèse. Et parce que ça s'est produit ici, ils font le raisonnement que ça a dû se produire sur des milliards d'autres planètes dans l'univers. Toutefois, tout comme l'évolution cosmique est anti-scientifique, l'allégation que la vie biologique a pu apparaître par hasard par des processus aléatoires l'est également. Toutes les créatures vivantes ont besoin d'immenses quantités d'informations codées. Même la cellule la plus simple capable de se reproduire a environ 600 kilooctets d'informations dans son ADN. Elle doit être fortement compressée parce que pour simuler ce qu'elle fait pendant la reproduction, il a fallu faire tourner plus de 100 superordinateurs pendant 10 heures. Même l'astronome athée bien connu Paul Davis a fait remarquer. Comment de stupides atomes ont-ils écrit spontanément leur propre programme? Personne ne le sait. Il n'existe aucune loi connue de la physique qui permette de créer de l'information à partir de rien. Mais pour éviter l'idée d'un concepteur, beaucoup de gens ont cherché ailleurs des réponses à ces questions. Certains ont suggéré que la vie sur Terre pourrait être arrivée par hasard depuis une autre planète et aurait dérivé jusqu'à la Terre sur une comète gelée ou une météorite. C'est ce qu'on appelle la panspermie, c'est-à-dire quasi littéralement des semences venues de tout l'espace. Mais comment la vie organique aurait-elle pu survivre à l'environnement incroyablement rude de l'espace où il n'y a pas d'oxygène avec des températures glaciales extrêmement basses et des radiations mortelles, et ensuite se retrouver par hasard capturée par la gravité terrestre alors qu'elle passait dans le voisinage, filant à des dizaines de milliers de kilomètres à l'heure, et d'une manière ou d'une autre, éviter de se consumer lors de leur entrée dans l'atmosphère à 48 km à la seconde, puis ensuite survivre à l'impact d'un atterrissage à une vitesse supersonique suffisante pour faire fondre le sol. Ce sont des problèmes comme celui-ci qui ont incité l'astronome athée, critique de la théorie du Big Bang Sir Fred Hoyle à dire « Il n'y a pas le moindre indice non plus qu'une quelconque soupe primordiale ait jamais existé sur Terre, et encore moins sur une autre planète. Si le commencement de la vie n'a pas été aléatoire, il a donc dû être le produit d'une intelligence dotée d'un but. C'est suffisamment gros pour enterrer Darwin et toute la théorie de l'évolution. » Francis Crick, le premier à avoir découvert l'ADN, est un de ces scientifiques qui ont réalisé que ça ne peut pas arriver spontanément. Alors, lui et d'autres imaginent que des êtres vivants, intelligents, venus de l'espace, ont amené la vie sur Terre, et trouvent cela plus crédible que l'idée d'une origine spontanée de la vie. Mais la panspermie dirigée ne résout rien en fait. Elle a les mêmes problèmes que la version non dirigée, à savoir, comment la vie est-elle apparue? Elle se contente de repousser le problème de l'origine de la vie dans l'espace, là où nous ne pouvons pas la tester. Et si les extraterrestres ont créé la vie sur Terre, alors qui sont les créateurs de ces extraterrestres? Et qui a créé les extraterrestres? Qui ont créé les extraterrestres? Qui ont créé la vie sur Terre? On ne peut pas revenir éternellement en arrière parce que le Big Bang, pour le coup, est censé s'être passé dans le passé fini. Et comme elle invoque d'autres idées non scientifiques pour résoudre les premières idées non scientifiques, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'on ait appelé l'ufologie une religion de remplacement. La recherche a montré que les gens qui ne sont affiliés à aucune église, mais qui se disent croyants, sont particulièrement susceptibles de croire à une possible existence des extraterrestres. Pour eux, l'ufologie est un substitut de religion. Dans les années 50, Enrico Fermi, lauréat du prix Nobel et pionnier de l'énergie atomique, alors qu'il travaillait au centre nucléaire de Los Alamos au Nouveau-Mexique, a posé quelques questions très directes. Sommes-nous la seule civilisation avancée de l'univers? Et sinon, alors où sont les autres? Pourquoi n'avons-nous pas vu de traces de vie extraterrestre, comme des sondes ou des transmissions? Pourquoi n'avons-nous pas trouvé leurs traces sur Terre ou dans notre système solaire? Fermi, de façon fort pertinente, sur la base de ses présupposés évolutionnistes, a aussi suggéré que des extraterrestres intelligents seraient des explorateurs curieux, tout comme nous. Et dans un univers de 14 milliards d'années, il a dû y avoir largement assez de temps, au moins pour que la toute première des races avancées envoie des vaisseaux spatiaux coloniser des planètes. Même si chaque effort de colonisation avait pris des millions d'années, la nouvelle colonie, une fois établie, et sa civilisation d'origine auraient pu envoyer toutes deux une autre expédition pour coloniser d'autres planètes, doublant le nombre de nouvelles colonies tous les millions d'années. Après 10 millions d'années, il y aurait eu plus de 1000 colonies extraterrestres, et après 20 millions d'années, il y en aurait eu 1 million. À ce rythme, après 40 millions d'années, il y aurait eu 1000 milliards de civilisations. Après 14 milliards d'années, les civilisations extraterrestres seraient si nombreuses qu'elles seraient comme des sardines dans une boîte. On appelle ça le paradoxe de Fermi. Autrement dit, pour faire court, où sont-ils tous passés? Eh bien, ce n'est pas faute d'avoir cherché. Pendant plus de 50 ans et sur 60 différents projets, on a scanné l'univers à une vitesse de plusieurs millions de fréquences radio par seconde. Pourtant, pendant tout ce temps, on n'est jamais tombé, pas même une seule fois, sur un E.T. qui passait un coup de fil chez lui. Le chercheur en ufologie Guy Malone a vécu et travaillé à Roswell, au Nouveau-Mexique, pendant plusieurs années. Il y a donné de nombreuses conférences réunissant le gratin des enquêteurs et chercheurs en ufologie. Son premier livre sur le phénomène OVNI s'appelle « Come Sail Away With Me » ou « Venez prendre le large avec moi ». En 1947, beaucoup étaient convaincus qu'une soucoupe volante contenant des dépouilles extraterrestres s'était écrasée en bordure de Roswell et que le gouvernement américain l'avait dissimulée depuis. Mais juste au dehors de la ville, il y a même une pierre tombale dans la ferme de Mark Brazel, là où il est supposé avoir découvert des débris. L'inscription sur le monument dit « Nous ne savons pas qui ils étaient. Nous ne savons pas pourquoi ils sont venus. Nous savons seulement qu'ils ont changé notre façon de voir l'univers. » Ce site sacré universel est dédié, en ce mois de juillet 1997, aux êtres qui ont rencontré leur destin près de Roswell au Nouveau-Mexique en juillet 1947. Roswell est le saint graal des adeptes des ovnis. Chaque week-end du 4 juillet, la fête nationale, la ville double pratiquement de taille, envahie de gens venus du monde entier en quête de sens, d'un but, convaincus que des extraterrestres plus anciens et plus sages que nous vont nous donner les réponses qu'ils cherchent. Vous savez, j'ai eu le privilège d'avoir été pasteur ici à Roswell pendant 22 ans et ça a été une expérience incroyable. Je veux dire, j'adore la ville, j'adore les gens. Vous savez, ce qui est intéressant dans le fait d'être ici à Roswell, c'est que c'est une ville plutôt conservatrice et du coup, toute cette histoire d'OVNI n'est pas quelque chose dont on parle en permanence. Mais parce que nous y vivons, chaque fois que nous voyageons, chaque fois que nous sommes au téléphone et que nous donnons notre adresse, nous vivons à Roswell, au Nouveau-Mexique, on a presque immédiatement une réaction du genre « Roswell ? Comme le Roswell où l'OVNI s'est écrasé ?» Et vous savez, le nombre de gens qui viennent ici à Roswell est incroyable. Ils viennent d'un peu partout aux États-Unis. Nous voyons des plaques d'immatriculation de tous les États de l'Union et des gens du monde entier font le voyage jusqu'ici. Ils viennent pour des tas de raisons. Certains viennent juste par curiosité, c'est juste pour s'amuser. Mais on a aussi les gens qui viennent et toute leur vie va en être affectée. Ils ont vu des choses, soit qu'ils aient eu une expérience eux-mêmes ou quelqu'un qu'ils aiment bien a une expérience, et ils ont vu quelque chose. Et du coup, ils viennent dans notre petite ville, ce qui est dingue, du monde entier pour trouver les réponses à quelques-unes de ces immenses questions, et ils se demandent si les extraterrestres pourraient être la réponse à ces questions. Toutes les religions, comme le christianisme, cherchent à répondre aux trois grandes questions. Vous savez lesquelles? La première, d'où venons-nous? Avons-nous été créés ou venons-nous de l'évolution? Mais dans le cadre des ovnis, peut-être que nous avons été créés par des extraterrestres, non? Ah, je n'ai jamais vu celui-ci avant. C'est évidemment une reprise de la création d'Adam dans la chapelle Sixtine. Il y a la main de l'homme qui s'étend pour toucher la main des créateurs extraterrestres, comme beaucoup l'imaginent. Waouh, si vous cherchez un exemple qui montre que l'ufologie est devenue une religion de remplacement, vous savez, il y a 20 ou 30 ans, on n'aurait pas pu faire ça. La deuxième, pourquoi sommes-nous ici? Quel est le sens et le but de la vie? Eh bien, souvenez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit que les gens sont souvent transformés et que leurs vies sont transformées après cette soi-disant rencontre avec des extraterrestres. Et bien sûr, la troisième, que nous arrive-t-il quand nous mourons? Eh bien, si Dieu n'existe pas, nous mourrons et puis c'est tout. Et il n'y a pas de vie après la mort. Mais encore une fois, ceux qui croient aux extraterrestres pensent que les aliens vont nous prendre avec eux ou par exemple transformer la Terre en une sorte de paradis utopique. Et ils sortent des idées comme réparer les trous de la couche d'ozone et nous sauver du réchauffement climatique, des thèmes courants chez eux. Et ils prétendent même qu'ils peuvent ressusciter des morts. Alors j'ai eu droit à des gens qui m'ont pris à part et m'ont dit « Eh bien, vous savez, Jésus n'était qu'un extraterrestre avancé qu'on a pris pour Dieu, et c'est comme ça qu'il pouvait faire ce qu'on prenait pour des miracles à cette époque-là. » Bon, ici, je dois préciser que je ne suis pas en train de me moquer d'eux, mais c'est important de comprendre que c'est ce genre d'histoire qu'on raconte aux gens qui ont fait une soi-disant rencontre avec des extraterrestres. En d'autres termes, cela répond aux trois questions et ça forme la base de leur vision du monde. Et ces éléments sont la clé pour comprendre ce qui se passe dans tout ce phénomène des ovnis. J'ai beaucoup travaillé à Roswell au fil des années. Il y a incontestablement plus de livres et de films qui ont été faits sur Roswell que sur n'importe quel autre thème d'ufologie. Et pourtant, ce qui s'est passé ici, en réalité, tout à fait banal. Gardons à l'esprit que nous étions dans les années 1940, longtemps avant qu'il y ait des satellites dans l'atmosphère. Et à cause de la courbure de la Terre, il y avait un problème de visibilité pour les ondes quand il s'agissait des communications radio ou de surveiller les activités d'autres pays. Alors le gouvernement américain a envoyé certains ballons-sondes ayant un revêtement spécial et supposé camouflé, qui devaient être transportés par les vents d'altitude au-dessus de l'Union soviétique. Ces ballons transportaient des appareils d'écoute destinés à tenter d'espionner les essais atomiques terrestres des soviétiques. Quand l'un d'eux s'est écrasé à Roswell, le gouvernement ne voulait pas qu'on sache ce qu'il faisait, et surtout pas les soviétiques. Ça s'appelait le projet Mogul. Vous savez, c'était aussi simple que ça en réalité. Les gens trouvent cela difficile à croire, mais c'est le chambard qui a entouré la dissimulation gouvernementale qui a créé ce qu'on a appelé l'incident de Roswell. Ici, on voit qu'ils prétendent que ces symboles sur les pas avaient été d'origine inconnue, mais en fait, les boîtes en dessous du ballon qui contenaient les appareils d'écoute étaient maintenues ensemble par un ruban adhésif venant d'une société de jouets. Et ce sont juste les symboles qui se trouvaient sur le ruban adhésif. Roswell est devenu une affaire florissante et la ville survit grâce à sa réputation extraterrestre. Alors ils n'ont pas envie que les faits viennent se mettre en travers d'une belle histoire. Check this out. Regardez-moi ça, il n'y a qu'à Roswell qu'on pourrait voir un truc comme ça. C'est un petit gris, gonflable, géant, bien qu'il soit peint en vert, à l'extérieur d'un grand concessionnaire automobile. Alors même les multinationales de cette ville n'ont pas de problème à s'associer à ce thème extraterrestre. C'est vraiment intéressant, n'est-ce pas? Et si vous explorez le musée des ovnis de Roswell, par exemple, vous y verrez une exposition d'informations supposées classifiées, mais la plupart ont été expliquées très simplement. Écoutez, c'est un peu trop facile de jeter le discrédit, et je n'ai pas envie de faire ça. La zone 51, par exemple, est une base secrète, et bien sûr, les gouvernements gardent des secrets. Ils y ont développé toutes sortes d'armes secrètes, comme la technologie du camouflage furtif, etc. Mais il n'y a pas de laser récupéré sur les vaisseaux extraterrestres de Roswell. Au fil des années, il y a eu trois enquêtes officielles séparées. Il y a même eu des présidents qui ont examiné les documents touchant à l'incident de Roswell. J'ai donc fait réexaminer tous les papiers de Roswell, tout l'ensemble. Si vous aviez vu qu'il y avait des extraterrestres, est-ce que vous nous l'auriez dit? Oui. Vraiment? Vraiment. Je ne serais pas surpris si nous recevions une visite un jour. J'espère juste que ce ne sera pas comme Independence Day. Mais nous devons garder une chose à l'esprit. C'est que celui qui croit aux extraterrestres, il ou elle, veut que vous croyiez ce qu'il croit. Mais en tant qu'enquêteur expérimenté, toutefois, voici les faits. En permanence, de 90 à 95% des ovnis sont systématiquement explicables en tant que phénomène naturel ou d'origine humaine. Par exemple, il y a les nuages lenticulaires, il y a la foudre en boule, les vols d'oiseaux, les aéronefs, les satellites, etc. Même la planète Vénus qu'on peut voir dans le ciel crépusculaire suffit à expliquer environ 25% de toutes les observations d'OVNI. La réalité, c'est qu'on croit déjà en quelque chose avant même d'examiner les faits ou les données. C'est une sorte de croyance préliminaire. Laissez-moi vous donner un exemple. Imaginez, il y a 200 ans, quelqu'un est dans son champ et il voit dans le ciel un truc volant qu'il ne comprend pas. Il n'aurait jamais supposé, pas même en rêve, que ça puisse être un vaisseau venu d'une autre planète. Il l'aurait interprété selon la compréhension culturelle de son époque, qui agit comme des lunettes. Il aurait sans doute pensé que c'était un démon ou un ange. Mais pensez au fait qu'aujourd'hui, quand quelqu'un lève le nez et voit quelque chose dans le ciel qu'il ne comprend pas, direct c'est « Wow, regarde, c'est un OVNI !» Mais aujourd'hui, OVNI ne signifie plus objet volant non identifié, mais plutôt vaisseau piloté par des extraterrestres. Vous comprenez, nous trompons sur ce que nous voyons. Et parce que ce sont de simples profanes qui les voient, ils ne savent pas ce qu'ils voient. La plupart des observations d'OVNI peuvent être expliquées en tant que phénomène naturel ou d'origine humaine. Nous pourrions en expliquer davantage si nous avions accès aux faits au moment de l'événement, ce qui n'était pas le cas avec Roswell. Mais il y en a toujours un faible pourcentage qui pose vraiment problème aux chercheurs. On les voit voler avec des vitesses incroyables. Ils apparaissent et disparaissent du radar. On les voit fusionner entre eux. Un des cas les plus célèbres a été le carrousel de Washington. En 1952, des objets ont été détectés sur les radars alors qu'ils volaient en formation autour du Capitole de Washington. Ils ont été détectés par trois installations radars séparées, dont celle de l'aéroport national de Washington et celle de la base aérienne Andrews. Il y a eu deux apparitions séparées sur deux semaines qui ont conduit au déploiement d'avions de chasse F-94. La conférence de presse qui a suivi a eu droit à l'audience la plus importante depuis la Seconde Guerre mondiale. Nous pouvons dire que les apparitions récentes n'ont aucun lien avec le développement d'une quelconque technologie secrète par n'importe quel département des États-Unis. Quelle est votre opinion sur ces nouvelles apparitions d'objets non identifiés? Avec tout le respect que je dois à l'Air Force, je suis convaincu que certains d'entre eux s'avéreront d'origine interplanétaire. En 1952, j'étais militaire et je surveillais la région de Washington, au cas où les Russes passeraient par le pôle Nord. Cette nuit précise, nous avions eu une alerte. Il y avait des intrus dans la zone, qui étaient visibles sur le radar. On nous a donné leurs coordonnées pour les suivre et nous verrouiller sur eux. Ils volaient en formation quand ils se sont retrouvés à portée de notre DCA, puis au-dessus du monument de Washington, puis au-dessus de la base aérienne Andrews. Parfois, ils se déplaçaient à des vitesses extrêmement rapides. Nous avions l'habitude de suivre des avions, alors nous savions à quoi ça ressemblait. Ces choses ne ressemblaient à rien de ce que nous avions vu jusqu'ici. Je ne pense pas que nous pourrions fabriquer des choses comme ce que nous avons vu. Vraiment, je ne crois pas qu'on pourrait. C'était beaucoup trop rapide, ça stoppait trop vite, ça se transformait en une grosse bulle. Puis ça devenait un bouquet de petites bulles. Trop rapide. Nos supérieurs nous ont tous dit pas un mot là-dessus. Nous ne pouvions rien dire, ni dans un sens, ni dans un autre. Alors, pendant 64 ans, j'ai essayé de trouver une explication à ce que nous avions vu. Et vous êtes les premiers gars qui veulent vraiment savoir ce que j'ai vu. Je sais qu'il y avait quelque chose là-haut, qui n'était pas juste un feu follet, une inversion de température ou une erreur du radar. Il y avait quelque chose là-haut. Les ovnis de Washington sont un bon exemple. Vous voyez comme un échantillon du petit pourcentage d'observations qui défie les explications naturalistes. Et c'est resté irrésolu jusqu'à aujourd'hui. Mais que voudriez-vous que le gouvernement dise d'autre? Et surtout quand un truc inconnu vient bourdonner dans la cour du président. Le Dr. J. Allen Hynek a également élaboré un système de classification des expériences avec les ovnis qui a été utilisé dans le film devenu classique « Rencontre du troisième type ». Oui, j'ai été très influencé par J. Allen Hynek, parce qu'il ne voyait pas les ovnis comme de la science-fiction, mais il les voyait comme faisant partie des spéculations scientifiques. Il trouvait les témoignages très crédibles et il a découvert tant de similitudes venant de tant de coins différents de l'Amérique et du monde qu'il s'est converti à l'idée que le gouvernement cachait quelque chose et que quelque chose était en train de se passer. Il fait même une courte apparition dans la troisième partie du film. Une rencontre du premier type, c'est lorsque c'était proche, mais sans qu'il se soit passé quoi que ce soit. Oubliez la forme, oubliez la rapidité, c'est juste quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer. Une rencontre du deuxième type, c'est celle qui laisse une trace physique. Des trous dans le sol. Des marques de brûlure circulaire. Des branches d'arbres brisées. Des lignes téléphoniques à terre. Des animaux perturbés. Des moteurs de voitures qui s'arrêtent. Et les rencontres du troisième type sont les plus intéressantes de toutes. Une rencontre du troisième type, c'est quand vous les rencontrez vraiment. Vous savez, on ne devrait pas sous-estimer le pouvoir des médias, les films, les images qui transforment et même modèlent la culture populaire. Bien que Hynek et Vallée aient été physiciens, ils ont réalisé que l'étude des ovnis comportait quelque chose d'assez intangible. Nous devons aussi nous demander où les ovnis se cachent quand ils ne se manifestent pas aux yeux des humains. La conclusion à laquelle je suis arrivé après toutes ces années, c'est tout d'abord que le sujet est beaucoup plus complexe qu'aucun de nous ne l'avait imaginé. Il y a des aspects paranormaux, mais il y a certainement des aspects physiques très réels aussi. Si les preuves elles-mêmes nous forcent à aller dans le paranormal, alors nous irons. Je crains fort que les ovnis ne soient liés à certains phénomènes psychiques. Soyez sceptique partout où c'est possible. Cherchez des explications simples et ne faites appel au spirituel que quand les preuves l'exigent, pas juste parce que nous ne savons pas ce qui se passe. D'une certaine façon, c'est ce que des experts comme Hynek et Vallée ont fait sans le réaliser. L'hypothèse extraterrestre, c'est-à-dire l'idée que les extraterrestres visitent la Terre, se base sur la théorie du Big Bang et d'une vie qui évolue dans tout l'univers. Même si c'est arrivé, la vraie science nous montre qu'ils ne peuvent pas arriver jusqu'ici. Alors les adeptes de l'ufologie ont sorti l'idée que les extraterrestres nous visitaient depuis des univers parallèles ou d'un multivers, ou quelque chose comme ça. Une idée qui leur semble bien cadrée avec le fait qu'apparemment ils apparaissent et disparaissent dans l'espace à volonté. Le point de vue le plus en vogue aujourd'hui est ce qu'on appelle l'hypothèse interdimensionnelle. Mais que ce soit bien clair entre nous, le multivers et la théorie des cordes, tout ça n'a pas la moindre donnée expérimentale pour l'appuyer. Et si ce n'est pas observable, ce n'est pas testable. Et si ce n'est pas testable, ce n'est pas de la vraie science. Non, ce sont des idées complètement hypothétiques. Elles y ont recours comme à une alternative au problème de la théorie du Big Bang, afin de conserver une origine naturaliste à notre existence. Au total, j'ai écrit environ une quarantaine de livres. Ils parlent des ovnis, du Bigfoot, du Chupacabra, du monstre du Loch Ness, des théories, du complot, de tout ce qui est un peu étrange. Vous voyez, j'essaye. Quand je me suis intéressé pour la première fois au sujet des ovnis, pour moi, tout était bien tranché. Les extraterrestres venaient de systèmes solaires très loin du nôtre. Ils enlevaient des gens, ils prenaient de l'ADN, etc. J'avais alors une bonne vingtaine d'années, mais avec l'âge, ma pensée, mes concepts et mes idées ont beaucoup changé. J'ai alors commencé à réaliser que certains de ces cas étaient tout simplement bien trop étranges, même pour des êtres extraterrestres. Je dirais qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus près d'une approche interdimensionnelle et beaucoup de mes pensées et de mes idées sur le sujet ont été inspirées par le regretté John Keel, connu pour son livre « The Mothman Prophecies ». Et Keel en est arrivé aussi à cette conclusion, à l'idée que, quoi que soit le phénomène OVNI, il cohabite en fait avec nous. Les ovnis ne semblent pas exister en tant qu'objet tangible, en tant qu'objet fabriqué. Ils ne se conforment pas aux lois naturelles de notre environnement. Les milliers de contacts avec les entités indiquent que ce sont des menteurs et des fraudeurs. Les manifestations d'OVNI semblent être, dans l'ensemble, simplement des variantes mineures du très vieux phénomène démonologique. J'ai enquêté sur le phénomène des OVNI environ depuis 1961. J'ai même été membre d'organisations sur les ovnis comme le NICAP et la PRO. Et j'ai interviewé des centaines de personnes qui déclarent avoir vu des apparitions incroyables, y compris ceux qui déclarent avoir été enlevés. J'ai créé un groupe nommé Civilian Intelligence Network, ou réseau civil de renseignement, dont le but était de découvrir si le gouvernement était derrière la création de certains types de vaisseaux ressemblant à des ovnis. Et je n'en ai jamais découvert la moindre preuve solide. Ce phénomène ne semble pas apparaître depuis les profondeurs de l'espace, mais ça apparaît plutôt de façon soudaine. Puis ça disparaît, ou ça se dématérialise, et cela nous donne l'impression qu'ils décollent comme s'ils utilisaient une sorte de système de propulsion quelconque. Et je ne pense pas qu'ils volent, ils disparaissent ou se dématérialisent sans plus. Les expériences d'ordre ufologique ont souvent un effet considérable sur les individus. Hynek a remarqué... Il y a eu un changement de perspective, un changement de philosophie dans la vie des gens. Beaucoup de gens, comme Jacques Vallée et moi, dans une certaine mesure, nous avons le sentiment que ça pourrait être un processus de conditionnement. Gary, vous avez mentionné plus tôt que certaines de ces apparitions sont, je pense que vous les avez mentionnées comme étant interdimensionnelles, psychiques ou spirituelles, quelque chose de cet ordre. Ma question est alors, comment des scientifiques peuvent-ils tester quelque chose comme ça ? Eh bien, en fait, j'ai le sentiment qu'il existe un domaine qui peut nous éclairer, ou si vous préférez, qui nous permette de tester la source de ce phénomène. Et c'est ce qu'on appelle les rencontres du quatrième type, les enlèvements. Il y a eu des chercheurs spécialisés dans les enlèvements comme John Mack, Bud Hopkins, David Jacobs et même John Carpenter du MUFON par exemple. Et vous savez, ils ont interviewé indépendamment et ont fait régresser par l'hypnose des centaines et des centaines de sujets. Et à part le fait d'avoir découvert que tous ces événements suivent des schémas très similaires, vraiment très similaires, c'est à partir de l'information reçue par ceux qui ont fait ces expériences qu'on peut tester les déclarations de ces « frères de l'espace » soi-disant bienveillants. Dr. John Mack. Le Dr. John Mack était psychiatre et un écrivain lauréat du prix Pulitzer. Au départ, il était sceptique envers le phénomène d'enlèvement par des extraterrestres, mais il a fini par être convaincu que les gens avaient expérimenté quelque chose qui venait d'un autre monde. Dr. Mack, qu'est-ce que tout cela veut dire ? Qu'est-ce que signifie tout ce que vous avez écrit dans votre livre ? Vous avez parlé à des centaines de patients et vous décrivez en détail ce qu'ils disent avoir vécu. Avec votre expertise de diplômé d'Harvard, que pensez-vous que tout cela signifie ? Eh bien, quand j'ai entendu parler de centaines de milliers de gens venant de partout dans le pays, au travers des différents sondages que nous connaissons, il y a peut-être eu des millions de gens qui ont fait des expériences très similaires. Ils ne se connaissent pas, les détails qu'ils donnent n'étaient pas dans les médias, ils n'ont rien à y gagner, ils en ont honte, ça c'est le premier point. Quand j'ai aussi entendu que cela arrivait à des enfants ayant à peine 2 ou 3 ans, cela écartait les explications basées sur la personnalité, et c'était associé à des observations d'OVNI par des témoins indépendants, ou par les médias, ou par des voisins. C'est aussi associé à des phénomènes physiques, et comme je l'ai dit auparavant, ces gens, quand on les examine, ne sont pas dérangés mentalement. Alors la seule chose qui a de telles caractéristiques, c'est une expérience réelle. Les rêves ne font pas ça. Des traumatismes. C'est traumatique. Seules les expériences réelles se passent de cette façon. La psychose n'est pas comme ça, la folie n'est pas comme ça, les rêves ne sont pas comme ça, les fantasmes ne sont pas comme ça. Maintenant, si ce sont des expériences réelles, de quoi s'agit-il ? La nuit où nous avons vu ce que nous appelons l'OVNI, nous rentrions en voiture. Nous nous sommes arrêtés au milieu du chemin et nous avons remarqué dans le champ, derrière la maison, ces lumières qui n'étaient pas habituelles. Et ça ne pouvait pas être les machines de la ferme parce que, vous voyez, toute la moisson avait été récoltée. Ça a commencé à se déplacer, ça ne faisait aucun son, pas un souffle de vent et c'était complètement silencieux. Mais c'était à peu près à 15 ou 25 mètres de nous. Les lumières du dessus étaient rouges. C'était de grosses lumières rouges et qui faisaient des séries d'allumages extinction. On ne voyait pas le vaisseau. C'était comme un camouflage ou quelque chose comme ça. Nous pouvions juste voir les lumières. Ça ressemblait à une rangée de lumières rouges. Cette chose naviguait à travers les lignes électriques par-dessus les clôtures jusqu'à ce qu'elles finissent par s'élever jusqu'au niveau du sommet des arbres. Et puis ça a décollé, ça s'est volatilisé. Le docteur David Jacobs était professeur associé à la Temple University en Pennsylvanie. C'était la seule personne à avoir obtenu un doctorat sur un sujet en relation avec les ovnis. Il s'est retrouvé en conflit avec John Mack, qui était convaincu que les expériences d'ovnis pouvaient être vues comme des expériences positives, voire spirituelles. Une chose qu'on doit comprendre en termes d'expérience traumatique et d'intensité du traumatisme, c'est que le phénomène d'enlèvement commence dans la prime enfance et continue jusque dans la vieillesse. Et en fait, ça s'est avéré vrai dans pratiquement tous les cas, dans pratiquement tous ceux que j'ai pu examiner. En réalité, entre environ 4 et 8 ou 9 ans, j'ai connu de nombreuses expériences avec des sortes de petits êtres dans ma chambre. Parfois, je me sentais comme si j'avais été emmené à différents endroits, maintenu à terre, tourmenté. Je savais qu'ils étaient mauvais. Je savais aussi que je ne les aimais pas. Mais il n'y avait rien que je puisse vraiment faire pour les arrêter. Pendant de nombreuses années, ça faisait simplement partie de ma vie. Il y a plusieurs années, je ne sais pas vraiment quand, nous avons été contactés pour voir si nous participerions à ce documentaire. Je crois que le premier, c'était pour l'émission Sizing, et nous en avons fait aussi un pour une autre chaîne, mais en gros, c'était sur la même chose, sur nos expériences d'enlèvement. Je l'appelais au secours, en hurlant parce que je ne pouvais pas bouger. Et je ne savais pas qu'il était paralysé aussi. Et nous nous sommes assis dans notre lit en même temps. Si c'est une sorte de truc de dérangement mental qui arrive aux gens, alors pourquoi est-ce que les scientifiques ou les médecins ou je ne sais qui n'essaient pas d'y trouver un remède ? Dans ma recherche de réponses, j'ai rejoint un groupe de gens qui ont eu ces expériences. Et j'ai entendu un tas d'histoires différentes. Mais c'était une atmosphère où les gens acceptaient les histoires les uns des autres. Dans la majorité des cas, ils semblaient être tous d'accord qu'ils faisaient partie d'un plan beaucoup plus grand, une sorte de grand schéma cosmique où ils allaient recevoir une illumination spirituelle. Une des choses que j'ai vu arriver bien trop souvent, c'est que les gens parfois vont même à l'église pour y trouver de l'aide ou des réponses. Et parce que c'est un sujet si bizarre, les pasteurs ne savent souvent pas quoi faire d'eux, ni quoi leur dire. Alors la personne qui a fait cette expérience finit par aller voir d'autres groupes, parmi les adeptes laïcs de l'ufologie. Et ceux-là leur disent « Nous, on vous croit, nous avons des gens exactement comme vous, venez en parler dans notre groupe. » Vous y trouvez une communauté qui vous accepte et vous vous retrouvez à être ambassadeur de ces entités et de leurs doctrines. Apollo 14 pilot, Dr. Ed Mitchell. Le docteur Ed Mitchell, pilote d'Apollo 14, a créé la Fondation pour la recherche sur les rencontres extraterrestres. Ils ont étudié des milliers de personnes ayant vécu ce contact. Et ils ont découvert, entre autres, que 80% ont eu des expériences de sortie de leur corps. 50% ont rapporté avoir été guéris par un être intelligent non humain. 83% des sujets sont convaincus que ces êtres sont liés d'une manière ou d'une autre au monde spirituel. La majorité a fait l'expérience de plages de temps manquantes pendant leur rencontre. 85% ont subi une transformation spirituelle majeure et positive. Il y avait une personne qui soutenait avoir eu une expérience extraterrestre. Et avant cela, elle disait envisager devenir ecclésiastique. Au cours de son expérience, on leur a dit qu'ils avaient été choisis. Et cette expérience a changé leur vie. Résultat, maintenant, ils accueillent ces expériences au point d'y revenir plusieurs fois par semaine. J'ai été plutôt choquée quand j'ai vu que cette personne utilisait maintenant des versets bibliques pour appuyer leur expérience. Il me dit, tu vois, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Et comme il accepte ces expériences, il se considère maintenant, ou ses entités lui disent, qu'il fait partie des élus choisis pour nous emmener tous dans un type de spiritualité plus illuminée. As a child, dans son enfance, Bud Hopkins a entendu l'émission radio La Guerre des Mondes, et cela l'a marqué de façon durable. Plus tard, son intérêt a été ravivé par une apparition d'OVNI en 1964, et ça l'a conduit à être fasciné par les histoires d'enlèvements extraterrestres. Humaniste convaincu, Hopkins a écrit plus tard 6 livres sur les OVNI, et il est considéré comme un pionnier estimé de la recherche sur le phénomène des enlèvements extraterrestres. Son livre, Le Temps Manquant, une étude documentée sur les enlèvements d'extraterrestres, est considéré par beaucoup comme un traité classique sur le sujet. Il y a toutes sortes d'histoires extraordinaires pour illustrer en quelque sorte ce contrôle qu'ils peuvent avoir sur nos perceptions. Je travaillais une fois avec une femme qui rapportait une expérience. Elle était sur la table à l'intérieur du vaisseau. Il y a un examen physique, c'est extrêmement douloureux, humiliant, etc. Et elle était non seulement folle de rage, mais morte de peur, et elle souffrait. Et l'extraterrestre en chef, comme cela arrive souvent dans ses récits, s'approche, met sa main sur son front et elle dit que la douleur a disparu, qu'elle a ressenti des vagues de l'amour le plus ardent qu'elle ait jamais ressenti de toute sa vie. Elle a dit qu'elle sacrifierait ses propres enfants pour l'amour qu'elle avait ressenti pour cet être. C'était simplement au-delà de tout ce qu'elle avait jamais connu. Pas de souffrance, pas de colère et amour total. Ce genre de manipulation fait bien sûr partie du mode opératoire des extraterrestres. Je pense que le terrain est préparé pour l'apparition de foi nouvelle, centrée sur les croyances aux extraterrestres et sur l'idée de la possibilité de contact avec le cosmique. Il y a des milliers de personnes pour qui la croyance au contact avec des êtres d'un autre monde est basée sur une conviction intime, tirée de ce qu'ils considèrent comme un contact personnel avec des ovnis et leurs occupants. On ne croirait pas que de petits êtres aux grands yeux noirs qui, quand vous les voyez pour la première fois, vous font subir des expériences traumatisantes de reproduction ressemblant à des viols, on ne sait pas de quoi il s'agit vraiment, on ne croirait pas qu'ils deviennent la source d'ouverture mystique comme vous le suggérez. Mais en fait, c'est le cas pour beaucoup d'individus. Il est possible qu'il faille une opération coup de poing, plus intrusive, plus invasive, à savoir les enlèvements extraterrestres, si vous voulez, pour nous ouvrir l'esprit. C'est une ingérence, dans un sens. C'est l'intrusion d'êtres qui devraient rester dans le monde spirituel et qui viennent dans le monde physique. Les ufologues comme moi utilisent une liste d'étapes connue sous le nom de CAS ou syndrome classique d'abduction. Bien sûr, tous ne sont pas passés par ces 8 étapes. Il peut n'y en avoir que 2 ou 3. Mais les expériences suivent bel et bien un schéma qui permet assez bien de déterminer la nature de l'expérience en utilisant ce CAS. There's a capture. D'abord, il y a capture. Pendant qu'ils conduisent de nuit, ils voient quelque chose, ou bien une entité étrange apparaît dans leur chambre à coucher. Puis il y a un examen. Sous hypnose, il se rappelle avoir subi des examens médicaux répugnants à bord d'un vaisseau spatial. Ensuite, il y a une conférence. Ils ont des souvenirs d'une conférence télépathique avec les extraterrestres qui leur ont peut-être parlé d'événements futurs pour la Terre. Puis, il y a la visite. On leur fait faire une visite de l'intérieur du vaisseau et ils y voient d'étranges salles utilisées pour la procréation, généralement dénommées incubateurs. Il y a le voyage spatial. Ils se souviennent avoir été emmenés dans un autre environnement ou sur une autre planète. Il y a la théophanie. Ils déclarent avoir rencontré des leaders religieux ou des êtres divins à bord, y compris Jésus-Christ. Il y a ensuite le retour, quand ils sont ramenés dans leur propre environnement et qu'on leur dit d'oublier consciemment ce qu'ils ont expérimenté. Enfin, il y a les suites. Ils n'ont souvent aucun souvenir des détails jusqu'à ce qu'on leur fasse faire une régression hypnotique. Mais ils ont parfois des marques physiques qui montrent qu'on a interagi avec eux, comme des bleus, des éraflures ou des creux, là où de la peau a été enlevée. Pour moi, les expériences ont vraiment commencé par ce que j'appellerais des manifestations. La tête d'un petit gris surgissait dans un coin et me regardait. Où l'un d'eux sortait carrément d'un mur, genre son visage apparaissait juste hors d'un mur, me regardait, se retournait et disparaissait. Dire que c'était traumatisant est sûrement la meilleure façon de le rapporter. Il y avait des bleus, parfois sur mes membres. Il y avait à l'occasion des coupures sur mes jambes. Des choses qui me rendaient tout ça très réel. C'était carrément difficile pour moi de garder la raison pendant tout ce temps. Un élément récurrent des enlèvements extraterrestres est l'élément sexuel dans les histoires, y compris la mienne, j'en ai bien peur. Mais quand j'étais enfant, vers 4-5 ans, je n'y connaissais rien au sexe. Vous savez, je ne pouvais pas vraiment imaginer ce truc. Je ne pouvais pas inventer ça. Mais en grandissant, j'ai commencé à réaliser, rétrospectivement, que c'était vraiment une forme d'abus sexuel que ces entités me faisaient subir. Alors on finit par garder tout ça pour soi. On veut en parler, mais vraiment, on est tout seul. On ne sait pas où aller, ni à qui en parler. Vous savez, c'est difficile et nous sommes souvent mal à l'aise pour parler des aspects sexuels que les sujets de ces expériences subissent. Mais honnêtement, je ne pense pas que nous puissions en ignorer l'importance. Et la raison en est que, comme ils se sentent violés dans leur intimité, dans les expériences qu'ils pensent avoir, cela a un puissant effet de transformation sur l'individu. Ce n'est rien de neuf, comme beaucoup d'aspects du phénomène des ovnis. Les experts disent que ça se conforme à la culture du moment. Eh bien, remontons le temps jusqu'au Moyen-Âge. Les gens faisaient état d'événements similaires avec des démons connus sous le nom d'incubes et de succubes, et ces démons violaient aussi bien les hommes que les femmes. Si les gens me demandent si je pense que le sujet et le phénomène des ovnis est dangereux, eh bien oui, je pense que les personnes qui ont peu d'estime d'eux-mêmes, pas confiance en eux, sont particulièrement vulnérables à la manipulation et au contrôle par ce phénomène. C'est quelque chose dont John Keel prévenait les gens très souvent. Ne devenez pas obsédés par des phénomènes comme les ovnis. À chaque fois, quand les gens deviennent obsédés, ça finit mal. Le professeur Richard McNally, de l'université de Harvard, psychologue et sceptique concernant le phénomène des ovnis. Si vous croyez sincèrement avoir été traumatisé et que ça vous revienne en mémoire, vous montrerez les mêmes réactions émotionnelles psychophysiologiques que les gens qui ont vraiment été traumatisés. Ceux qui ont été enlevés sont tellement convaincus par leur expérience qu'ils affichent de vrais symptômes de stress. Semblable au traumatisme des vétérans de guerre. Je me souviens qu'ils venaient dans notre chambre à coucher et le berceau de ma fille était au pied du nôtre. Et je les regardais, deux d'entre eux venaient, la prenaient et la sortaient du lit. Et elle avait si peur. Elle avait si peur. Et je ne cessais de hurler. Dan fait quelque chose pour les arrêter. Et il ne pouvait pas. Et tout ce que je pouvais faire, tout ce que nous pouvions faire était de rester là, immobile, et de les regarder faire. Nous ne pouvions pas bouger, nous ne pouvions rien faire. Une des choses les plus suspectes à propos de cette question de phénomène prétendument extraterrestre est qu'ils trouvent sans arrêt de nouveaux endroits, ou d'anciens endroits, pour leur lieu d'origine. Dans les années 1950, c'était Mars, c'était Vénus, c'était Saturne. Et puis dans les années 1960, on a entendu des histoires sur Zeta Reticuli. Et aujourd'hui, vous voyez, ce sont divers systèmes planétaires d'un peu partout dans l'univers. Aujourd'hui, nous savons avec certitude, ou nous sommes au moins pratiquement sûrs que Mars et Vénus n'hébergent pas des civilisations massives. Et alors ? Eh bien, comme par hasard, les extraterrestres ne prétendent plus venir de Mars ou de Vénus aujourd'hui. Les histoires que les hypothétiques victimes d'enlèvements extraterrestres ont données se contredisent toutes mutuellement. Elles ne peuvent donc pas toutes être vraies. Et puis, ils ont donné aux gens des messages que nous pouvons confirmer être des mensonges. Leur intention semble être de berner les gens sur le lieu d'où ils viennent. En 2007, j'ai interviewé un nommé Ray Bosch qui, en 1991, a été approché par deux scientifiques du département de la défense des États-Unis qui travaillaient sur un programme destiné à contacter ce qu'ils appelaient les NHE ou entités non humaines. Au départ, ils pensaient avoir affaire à des extraterrestres. Avec le temps, ils se sont aperçus que c'était comme si un nuage sombre était tombé sur le projet. Des gens tombaient malades, certains mouraient. Il y avait de très étranges séries de coups du sort. Ils en sont venus à croire que ce à quoi ils avaient affaire était quelque chose de littéralement démoniaque, mais qui se faisait passer pour extraterrestre. La raison pour laquelle ils avaient contacté Ray était son arrière-plan presque unique en tant que directeur d'État du MUFON et en tant que prêtre actif. Quand j'ai interviewé Ray, il a pu partager davantage de données et j'ai pu effectivement parler à certaines des personnes impliquées. Il n'y a aucun doute que leurs conclusions s'accordent avec l'idée que cela est une sorte de tromperie démoniaque qui est éminemment dangereuse et qu'il y a au moins une petite élite, si on veut, dans le gouvernement qui croit pleinement à cette théorie particulière. Il y a des années, nous avons interviewé un homme de la campagne, en Floride, nommé Bill. Il a fait l'expérience typique qui commence tard dans la nuit, au lit. Mais auparavant, ce soir-là, il avait vu des lumières à l'extérieur par la fenêtre du salon. Mes chiens aboyaient très très fort derrière, et je me suis levé, j'y suis allé, j'ai ouvert la fenêtre qui était près du lit, et je leur ai dit de se tenir tranquille. Ils se sont calmés, je suis revenu m'allonger sur mon lit, et ils ont recommencé à aboyer. J'ai refait la même chose, j'ai fait ça plusieurs fois. Je me souviens, la dernière fois que je l'ai fait, je suis revenu me coucher, et je me suis presque instantanément retrouvé paralysé. Je ne pouvais pas bouger, je ne voyais rien que du gris. Et brusquement, j'ai senti comme si quelque chose ou quelqu'un m'avait rentré une sorte de perche dans le rectum et me soulevait avec. Et l'entité, ou je ne sais pas quoi, qui me faisait ça, riait comme si ça lui procurait du plaisir. Ou comme si elle se moquait de moi. J'avais si peur que je ne savais pas quoi faire. Je n'arrive pas à me souvenir si j'ai dit « Jésus, Jésus, Jésus » ou « Jésus à l'aide, Jésus à l'aide ». Mais à cet instant, mon expérience s'est arrêtée. Et j'ai entendu distinctement cette entité couiner de douleur. Et je suis retombé sur le lit. Et j'ai été littéralement jeté sur le lit, ce qui a réveillé ma femme. Et elle m'a demandé ce que je fabriquais à sauter sur le lit. Le journal Florida Today a recueilli l'histoire de Bill, comme quoi il a stoppé cette rencontre en utilisant le nom de Jésus. Elle a été répercutée dans tout le pays et ça a déclenché un déluge de gens qui nous ont raconté comment ils avaient stoppé leur expérience de la même manière. Alors j'ai contacté mes collègues du MUFON et d'autres ufologues du monde entier et nous avons découvert que beaucoup d'entre eux étaient déjà au courant. Mais ils avaient ignoré ce fait parce qu'ils ne savaient pas quoi en faire. Après que j'ai été sauvé et que je sois devenu chrétien, j'ai bien entendu repensé à mes expériences. Et j'ai réalisé que ces entités avaient purement et simplement altéré ma vision du monde et que j'avais vécu dans la peur qu'elles reviennent pendant l'essentiel de ma vie d'adulte. Mais j'ai réalisé en utilisant l'autorité de Christ en moi que je n'ai plus à avoir peur et qu'il ne pourrait plus me faire du mal et qu'il ne pourrait pas revenir me chercher. Mais je suis vraiment arrivé à la conclusion que ce n'étaient pas des extraterrestres bienveillants, mais que c'étaient des esprits mauvais, trompeurs. Et des années plus tard, après avoir déménagé d'ici à Roswell pour en faire mon champ de ministère, je pense que ces entités ont bel et bien essayé une fois de me perturber. Elles sont revenues pour me torturer et je les ai juste chassées au nom de Jésus lorsque c'est arrivé. Elles n'ont jamais réussi à gagner une once de terrain ou à revenir me harceler depuis. Et ça vous pousse à vous demander, je veux dire, si ce sont vraiment des entités extraterrestres qui ont traversé des millions d'années-lumière de vide spatial avec leur technologie, alors pourquoi auraient-elles peur du nom de Jésus et s'enfuiraient-elles loin de vous quand vous le mettez en avant? Je veux dire, quelle puissance un personnage religieux supposé mort a-t-il sur ces entités? Au début, la recherche était un peu déroutante. Ce que nous découvrions, c'était que des gens qui professaient être chrétiens faisaient encore des expériences d'enlèvement par des extraterrestres. En y regardant d'un peu plus près, nous avons découvert que ces gens-là, en gros, reconnaissaient intellectuellement l'existence de Dieu, mais ne s'impliquaient pas personnellement. Nous avons fini par les appeler des chrétiens de nom. Mais au travers de ces expériences d'enlèvement extraterrestre, nous avons découvert qu'il semblait y avoir un manque de chrétiens fervents, croyant dans la Bible de façon réelle. Presque tout ce que je lisais ou regardais me disait que ce qui arrivait, c'était le fait des extraterrestres. Et ce que j'ai découvert après un certain nombre d'années fut l'enseignement chrétien qui disait que ces types d'expériences très réelles, surtout pour la personne qui les vivait, étaient en réalité démoniaques. Et j'ai appris qu'on pouvait appeler le nom de Jésus pour tenter de les stopper net. Il faut vraiment connaître le Seigneur pour expérimenter leur arrêt complet. Autrement, ça continuera. Par exemple, il y a ce passage de la Bible où les fils de Séva, des Juifs, qui n'étaient pas croyants, pas chrétiens, essayaient de chasser des démons en utilisant le nom de Jésus. Et le texte rapporte que les démons leur ont répondu « Jésus, nous connaissons et nous avons entendu parler de Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et il est relaté qu'en fait les démons les ont frappés si fort qu'ils sont sortis de là nus et en sang. Et ce que cela démontre, c'est que c'est une chose de juste dire le nom, mais c'en est une autre de savoir qui est Jésus. Il y avait une autre dame dans le groupe qui avait eu des expériences avec des extraterrestres et elle a raconté qu'au début, c'était la visite classique d'un petit gris. C'est ce qu'elle avait vu d'abord et elle a tout de suite pensé à lui demander « Es-tu un démon ?» Et quand il lui a répondu, il lui a dit « Nous connaissons votre Jésus » et il a immédiatement disparu. As a MUFON field investigator, en tant qu'enquêteur de terrain du MUFON, nous sommes formés à mener une enquête scientifique sur les ovnis. Mais dans nos enquêtes, nous trouvions des choses pour lesquelles nous n'avions tout simplement pas de réponse. Nous avons des rapports d'aéronefs qui défiaient purement et simplement les lois de la physique. Nous avions des gens qui déclaraient avoir été enlevés à travers les murs et les plafonds vers un vaisseau dans le ciel. C'était des choses sur lesquelles nous ne pouvions pas vraiment enquêter scientifiquement. Alors nous avons commencé à enquêter pour découvrir ce qu'il en était des chrétiens qu'apparemment les extraterrestres n'aimaient pas. Nous en sommes venus à réaliser que les gens ne rencontraient pas des extraterrestres physiques. Mais au lieu de cela, ils rencontraient des êtres spirituels qui nous visitaient depuis une autre dimension. Cette révélation a transformé notre vision du monde. Nous pouvons être absolument sûrs, après plusieurs années d'enquête sur ce phénomène, que ces prétendus extraterrestres qui viendraient de systèmes solaires éloignés ne sont rien de tels. ce sont plutôt des entités surnaturelles, trompeuses, émanant d'une autre dimension. Je n'étais pas un de ces chrétiens fanatiques. J'étais un tout nouveau croyant. Mon collègue avec qui je travaillais était un chrétien professant, mais je dirais que nous étions tous les deux à l'époque des chrétiens de nom. On nous a présenté à un groupe d'études bibliques afin de nous informer sur l'histoire et sur ce qu'est un chrétien. Nous avons suivi tous les deux le cursus et nous avons découvert que la Bible était la parole infaillible de Dieu. Fort de cette nouvelle information, nous avions quelque chose qu'aucun autre ufologue ne pouvait offrir. Et c'était l'espoir. Un espoir pour les gens qui faisaient ces expériences horribles, espoir que nous pourrions les aider à y mettre un terme. Mais c'est Joe Jordan qui m'a dit que ces choses n'étaient pas réelles. En réalité, je ne voulais pas le croire. Il m'a donné des témoignages, il m'a donné toutes ces choses à lire et à voir, et je ne voulais toujours pas y croire. Je ne voulais toujours pas. Mais j'étais de retour à la maison, et je me souviens de m'être arrêtée au feu rouge. Et là, j'ai su que c'était réel. J'ai su que Dieu existait, que le diable était réel et que j'avais eu affaire à lui pendant longtemps. Alors j'ai appelé Joe et je lui ai dit que je voulais accepter Christ immédiatement, là, tout de suite. Je ne voulais pas attendre. Et c'est là que j'ai accepté le Christ dans la maison de Joe. Vous savez, nous les chrétiens, nous croyons que la Bible que nous avons là est un document historique, que ces événements étaient mis par écrit par des témoins oculaires, incluant des événements qui étaient surnaturels tant par leur origine que par leur réalité. Nous la suivons, et l'exactitude historique de la Bible a été vérifiée par l'archéologie, par des découvertes qui continuent à se produire. Elles ne l'ont jamais contesté. On en fait de nouvelles constamment, ce qui prouve que c'est un livre digne de notre confiance. Jésus, dont la Bible indique qu'il est Dieu venu dans la chair, s'est présenté lui-même lors de son procès devant le leader romain Ponce Pilate. Il a déclaré : « Mon royaume n'est pas de ce monde, mon royaume est d'un autre lieu. » Ses disciples ont fait remarquer dans 2 Pierre chapitre 1 verset 16 que ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme témoin oculaire de sa majesté. La Bible nous dit que ces visiteurs surnaturels, à travers les âges, sont connus sous le nom d'anges qui se livrent à une guerre interdimensionnelle sur les âmes des hommes, ceux-là même que Jésus-Christ est venu racheter. Maintenant, culturellement, quand on pense aux anges, nous nous représentons des images d'êtres éthérés avec des ailes de fée. Mais ce n'est pas ainsi que la Bible les montre. Quand ils apparaissent souvent physiquement. Ils peuvent manger, ils peuvent faire beaucoup de mal aux humains dans certains cas. La Bible indique aussi que beaucoup des expériences avec des êtres spirituels, parfois appelés démons, sont de nature trompeuse. C'est pourquoi la Bible dit très clairement de ne rien avoir à faire avec eux. À moins d'avoir un certain niveau de discernement, vous allez sans doute vous faire manipuler et finir par croire en quelque chose qui n'est pas vrai. Par exemple, dans la première lettre à Timothée, on lit au chapitre 4, verset 1, « Maintenant, l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des enseignements de démons. » Et dans 2 Timothée 4, verset 3 et 4, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas de recevoir un enseignement juste, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants d'accord avec leurs propres passions, se détourneront de l'écoute de la vérité et se tourneront vers des mythes. » À partir de là, je ne suis pas vraiment sûr, mais ça a dû durer pendant 2-3 semaines. un de ces extraterrestres ou entités, ou appelez-les comme vous voulez, il s'est comme matérialisé à travers le mur. Et alors qu'il avait à peu près traversé la moitié du mur, dans ma tête, j'ai crié « Aide-moi, Jésus, je t'en prie, aide-moi !» Et à ce moment-là, ma bouche pouvait bouger, je le savais. Et l'entité m'a regardé et il a dit « Je suis juste venu te tester. » Et j'ai dit « Non, plus jamais !» Et à ce moment, j'ai retrouvé l'usage de ma voix, mais j'ai juste pu marmonner quelque chose comme « Aide-moi, Jésus, aide-moi !» Et alors il est parti. La démonologie n'est pas encore un autre truc ésotérique. C'est un domaine de recherche sérieux et ancien concernant les monstres et les démons qui semblent coexister avec l'homme à travers l'histoire. Des milliers de livres ont été écrits sur le sujet, dont un grand nombre par des ecclésiastiques instruits, des scientifiques et des experts, et d'innombrables événements de nature démoniaque bien documentés sont à la disposition de tous les chercheurs. Une des principales raisons pour lesquelles je soupçonne que le phénomène n'est pas extraterrestre, c'est qu'il change constamment. Si nous revenons, disons, dans l'Angleterre du Moyen-Âge, nous avons des récits de fées, de gobelins, de petites créatures qui enlevaient les gens, qui avaient des blancs dans leur emploi du temps, et avec une composante sexuelle dans beaucoup de ces cas. Et ils correspondent étrangement aux expériences d'enlèvement extraterrestre d'aujourd'hui, avec ceux qu'on appelle les petits gris. Donc, les types d'apparence des extraterrestres changent constamment, et je pense vraiment que leur façon de se manifester à nous reflète les croyances de notre culture environnante. Gary, avez-vous constaté que certains types de personnes avaient une plus grande propension à ces expériences que d'autres ? Oui, et en fait, sur ce sujet, je suis d'accord avec des chercheurs laïcs comme John Keel, John Mack et Richard McNally. Ils ont découvert ce qui semblait être un point d'entrée. Et vous savez, il n'était même pas nécessaire que ce soit une profonde implication dans l'occulte, juste une porte ouverte. Vous voyez, c'est des gens qui s'amusent avec une planche Ouija ou les tarots et qui trouvent ça très amusant, ou ceux qui trafiquent plus sérieusement avec le monde des esprits. Dans mon livre, j'ai cité quelques cas où une simple croyance en quelque chose d'apparemment inoffensif, comme de croire que les extraterrestres peuvent parcourir de vastes distances et visiter la Terre, cela peut potentiellement ouvrir quelqu'un à une séduction. Et bien entendu, quand ils en font l'expérience, ça ne fait que conforter ce qu'ils croient déjà. Maintenant, quand je regarde en arrière, je vois les choses très différemment. Comme tout le monde, je me suis amusée avec une planchette Ouija. De toute façon, je ne croyais pas en ce truc. Mais maintenant, je réalise que chacune de ces différentes choses est une porte ouverte. Parce qu'on ne réalise pas, on ne pense pas qu'on fait quoi que ce soit de mal. Mais ils savent que vous avez ouvert la porte. Et nous, en quelque sorte, qu'à s'y glisser à petits pas et à vous attirer, vous n'allez même pas vous rendre compte que vous vous faites aspirer. Après avoir finalement raconté à mes parents ce que j'avais expérimenté étant enfant, ils ont commencé à me raconter les expériences qu'eux-mêmes avaient faites. Ma maman avait vu des ovnis de ses yeux. Mon papa m'a raconté plusieurs expériences que je qualifierais tout bonnement de nature démoniaque. Et j'ai commencé à réaliser que ça se transmettait vraiment de génération en génération. Mon fils et ma fille ont suivi tous les deux des séances de régression hypnotique. Et ils ont commencé à se rappeler de choses qui leur sont arrivées tout au long de leur enfance, dont nous ne savions rien. Jusqu'à ce qu'une personne y mette vraiment fin au nom de Jésus-Christ et ferme toutes les portes d'entrée ouvertes à cause des médiums, l'occulte et tout ça, jusqu'à ce qu'une personne y mette vraiment fin au nom de Jésus-Christ, ça peut se transmettre aussi à vos enfants. Alors, comme John Keel l'a découvert, c'est toujours la même vieille bataille spirituelle, mais habillée d'une façon nouvelle et crédible. Et comme ça, les gens ne reconnaissent pas que c'est une tromperie. Et pourquoi, je veux dire, pourquoi tous ces problèmes ? Eh bien, vous devez penser à ce qui est en jeu, n'est-ce pas? Si la Bible est vraie, si la Bible est correcte, alors ce qui est en jeu, ce sont les âmes mêmes des êtres humains. Les ovnis peuvent projeter des images ou fabriquer de toutes pièces des situations conçues pour changer nos systèmes de croyances. Les croyances humaines sont alors contrôlées et conditionnées. C'est une réorganisation des concepts humains qui pourrait conduire l'homme vers un changement profond d'attitude vis-à-vis des capacités paranormales et de la vie extraterrestre. Plusieurs de ceux qui ont vécu ces expériences se souviennent aussi d'avoir reçu des messages de nature religieuse. On leur a dit qu'ils ont été spécialement choisis et que les religions conventionnelles étaient fausses et qu'ils devaient éclairer les autres. Il y a des histoires incroyables comme quoi Jésus était en réalité un extraterrestre évolué et doté d'une technologie perfectionnée et que les rédacteurs de la Bible ont pris cette technologie pour des miracles. Mais dans le Nouveau Testament, nous avons une mise en garde contre les forces maléfiques qui se font passer pour des anges de lumière. Il y a beaucoup de groupes, de religions et d'expériences surnaturelles de toutes sortes. Mais ne cherchons pas la complication, parce qu'il n'y a en fait qu'une raison à tout ça. C'est de détourner notre attention de la vraie source de la vérité. Même l'apôtre Paul a écrit dans l'Épître aux Galates, « Même si nous-mêmes ou un ange du ciel vous annonçait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit éternellement condamné. » Deux des plus importantes religions au monde ont effectivement commencé comme ça. Joseph Smith, le fondateur des Mormons, a déclaré avoir reçu une révélation extra-biblique d'un ange. Et Mahomet, le fondateur de l'islam, a médité dans une grotte pendant plusieurs mois et a été visité de la même manière. Et dans les deux cas, ça a donné des bibles de substitution. La chose la plus significative dans les rencontres avec des ovnis, c'est la manière dont le témoin est radicalement transformé. C'est presque comme si leur vision du monde était modifiée, comme s'ils suivaient une nouvelle religion, quelque chose dans ce genre-là. Il y a même eu des évangiles de remplacement écrits par des gens qui ont été transformés par leur expérience et sont devenus volontairement aujourd'hui des réceptacles en continu de cette nouvelle révélation, comme cette femme contactée qui a déclaré avoir déterré l'évangile manquant et qu'on pourrait appeler une Bible de remplacement et qui a été appelée le Talmud d'Emmanuel. Et ils prétendent qu'il rapporte la vraie vie et les vrais enseignements de Jésus. Vous voyez, on remarque bien le contraste entre ces expériences, arrivées à des individus isolés, invérifiables, et les nombreux témoignages oculaires concernant Jésus-Christ, son enseignement, ses miracles pendant 3 années et demie, et sa mort sur la croix, sa résurrection et sa montée au ciel. Ce n'est pas juste le récit d'une personne racontant qu'elle a reçu une visite, sans preuve extérieure, comme tous ceux qui rapportent avoir été enlevés et qui sont devenus les messies de leur propre religion extraterrestre. Ils peuvent très bien avoir eu une expérience. Nous ne remettons pas cela en question, mais elle ne venait pas du Dieu de la Bible. Il ne contredirait pas ce qu'il nous a déjà révélé. Et à moins de partir de la Bible comme source de vérité, vous n'avez pas vraiment la capacité de discerner la vraie nature de l'expérience ou du phénomène. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Bien qu'ils aient été des enquêteurs indépendants, les recherches de Gary Bates et Joe Jordan se sont rejointes à un tel point qu'ils sont devenus collaborateurs. Alors Joe, ça fait des années qu'on ne s'est plus vu. Et si je suis venu ici en Corée du Sud, c'est pour te voir parce que tu es devenu le directeur national du MUFON ici. Mais rappelle-toi, la dernière fois qu'on s'est croisés, tu avais des quantités et des quantités de témoignages. Alors, qu'est-ce qui s'est passé toutes ces dernières années? Est-ce que ça a continué? Absolument, Gary. Que ce soit n'importe où sur la planète, ces témoignages continuent à m'arriver, que ce soit par email ou par le site Internet. Ils continuent d'arriver sans cesse. Le nombre de témoignages auxquels j'ai eu affaire ces dernières décennies, ça se compte en centaines. Ces témoignages montrent que ce soit en chantant des louanges ou des cantiques, en priant ou en invoquant le nom et l'autorité de Jésus-Christ, que ça stoppe ces horribles expériences. Gary, dans votre livre, vous citez deux apologètes chrétiens, John Ankerberg et John Weldon. Ils ont écrit la chose suivante. Est-elle bien crédible, l'idée que littéralement des milliers d'extraterrestres traverseraient des millions, voire des milliards d'années-lumière, simplement pour enseigner la philosophie du New Age, nier le christianisme et soutenir l'occultisme? Pourquoi mentiraient-ils continuellement sur des choses que nous savons être vraies et pourquoi tromperaient-ils délibérément leurs contacts? C'est exactement ça. Lorsque nous examinons le phénomène des ovnis, nous nous rendons compte que les entités impliquées semblent presque surjouer le fait d'être des extraterrestres. Elles se démènent pour mettre l'accent sur leur origine extraterrestre. Alors il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles le côté extraterrestre ne fonctionne pas vraiment. L'une étant que ces choses, quoi qu'elles soient, semblent très à leur aise dans notre atmosphère. Avec nos niveaux d'oxygène, on les voit très rarement avec des combinaisons spatiales, peut-on dire. Et ce serait vraiment une très grosse coïncidence que des entités venant de mondes situés à des millions ou à des milliers d'années-lumière s'adaptent aussi vite et aussi bien à notre atmosphère. Je pense que nous avons affaire à des êtres qui sont en train de créer des éléments de culture pour semer les graines de la croyance aux extraterrestres, alors qu'en réalité, ce sont des choses extrêmement différentes. Voilà ce que j'aimerais dire aux gens. On ne peut pas dire à quelqu'un qui a fait une telle expérience que tout cela n'est jamais arrivé ou que certains aspects ne sont pas réels, parce que leur entendement a déjà intégré que c'était un vrai souvenir. Ce que je vais dire, je ne le dis pas pour prendre tout ceci à la légère. Mais si des gens sont vraiment enlevés dans des vaisseaux par des extraterrestres, alors pourquoi, parmi tous les millions de cas, personne n'a-t-il réussi à rapporter une serviette de la salle de bain ou un souvenir de la salle d'examen? Pourquoi les extraterrestres ne laissent-ils rien de plus concret dans la chambre à coucher? Quelque chose qui ressemble à une carte de visite? La raison en est que ça se produit dans le domaine spirituel. C'est une tromperie. Vous savez, je fais l'essentiel de mes conférences dans les églises, et ça ne me plaît pas de le dire, mais l'écrasante majorité des chrétiens, dont des dirigeants et des pasteurs, n'ont pas idée du grand nombre de gens dans leur propre rang qui ont peut-être déjà vu quelque chose ou eu une expérience avec des entités étranges. La raison pour laquelle ça me désole, c'est que l'Église devrait être vue comme l'endroit évident où les gens viennent chercher des réponses. Ils souffrent, ils ont des problèmes dans leur vie et ils recherchent un apaisement et du réconfort, surtout s'ils ont été atteints spirituellement. Et ça, c'est exactement le domaine de l'Église. Le christianisme n'a jamais eu à ce point une réponse pertinente à apporter. Si nous croyons que la Bible est vraie, ma prière est que nous nous réveillons pour voir la réalité spirituelle qui se répand autour de nous. Avec la science-fiction et les croyances concernant l'évolution de la vie sur les autres planètes, elle n'est pas près de disparaître. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si on dit à propos de quelque chose, regarde, ceci c'est nouveau, en réalité cela existait déjà dans les siècles précédents. Parce que c'est une chose de se contenter de nier, c'en est une autre de dire, nous comprenons vraiment ce que vous dites et nous sommes convaincus que vous avez fait une expérience. Mais voilà ce que Dieu en pense. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Pendant toutes ces années, je ne suis jamais tombé sur un autre nom que celui de Jésus-Christ qui mette fin à ces expériences en tant qu'événement récurrent dans une vie. Joe, tu sais que ce que tu viens de partager, c'est la raison pour laquelle nous faisons ce que nous faisons. Parce que cette preuve-là démontre que Jésus-Christ est le seul nom. Parce qu'il est le seul qui ait la puissance et l'autorité sur les êtres qu'il a créés. Et c'est aussi une forte confirmation de ce que nous croyons, de la foi chrétienne basée sur la Bible. Parce qu'elle dit « Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Et ce nom, c'est Jésus. Je sais que c'est démoniaque et je sais que c'est juste un truc pour m'éloigner de Dieu. Ce n'est pas pour moi, je suis encore plus motivée que jamais et je ressens le besoin d'essayer d'aider les autres à se libérer de tout ça et qu'ils voient de quoi il s'agit. Ma conviction, c'est que la raison principale pour laquelle ces choses me sont arrivées était de m'écarter de ma croyance et de ma foi en Dieu. Nous avions quelque chose qu'aucun autre ufologue ne pouvait offrir. Et c'était l'espoir. Un espoir pour les gens qui faisaient ces expériences horribles, espoir que nous pourrions les aider à y mettre un terme. J'ai crié, aide-moi, Jésus, je t'en prie, aide-moi. J'ai dit, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus à l'aide. Et je les ai juste chassés au nom de Jésus lorsque c'est arrivé. Mais à cet instant, mon expérience s'est arrêtée. Et alors il est parti, il est parti. L'idée même que des extraterrestres plus anciens, plus sages et plus avancés que nous technologiquement visitent la Terre redéfinirait notre point de vue traditionnel sur la place de l'homme dans l'univers. Toutefois, les experts sérieux sont tous d'accord pour dire que quoi qu'il y ait derrière le phénomène OVNI, c'est une tromperie qui émane d'un autre monde, d'une autre dimension. Nous venons d'entendre un autre point de vue. Et il apparaît que l'interprétation chrétienne concorde parfaitement avec les faits. Ce point de vue traditionnel indique que l'événement le plus important de toute l'histoire de l'humanité s'est produit quand le Créateur, Jésus-Christ, est devenu humain. Et la Bible dit qu'il est venu pour nous sauver de ces mêmes forces maléfiques et trompeuses qui maintenaient le monde sous leur emprise. Et si la Bible est dans le vrai, alors c'est cet événement qui a défini avec la plus grande certitude notre place dans l'univers. Bien des fois, à chaque fois que j'avais cette sensation de terreur, à chaque fois que je voulais aller au lit, mais tout ce que je fais, c'est de prier. Et ça s'en va. Ça s'en va. Et ça ne m'est plus arrivé depuis des années. Des années. Je le remercie tellement, tellement. Je veux que les gens du monde entier sachent qu'ils peuvent mettre fin à ces expériences en faisant appel au nom de Jésus. En utilisant le nom de Jésus, vous faites appel au Créateur de ce monde, de ces entités même. Il peut les arrêter. Il a le pouvoir, car il est le nom au-dessus de tout nom, Jésus-Christ. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.